qui a violé qui, qui m'accuse, les qui s'amusent, le qui abuse, qui a vu en moi un enfant méchant. Je bois pas, fume pas, travaille 80 heures par semaine. Depuis 8 ans, j'ai 26 ans. Sur ce rêve d'enfant, hip-hop non-stop depuis 83. Beatbox, respecte-moi, respecte-toi, respecte-la, respect. Voilà, qui a violé qui, moi je dis que Dieu punira ces qui m'ont accusé. Et ma demeure, je suis pas mieux que les autres, j'aimerais tous les. Mais c'est péché, fait que je me relève, refais un album. J'oublie ces bombes, dépose mon magnum. Et regarde-moi, reprendre le number one spot avec mon album. Fait qu'aux bombes qui veulent tester, c'est que ma l'adresse. Sad show, c'est l'adresse. Oh yes. You ain't knowin' how I feel. The deal is I'm dying. One, no you know the deal. You ain't knowin' how I feel. The deal is I'm dying. One, no you know the deal. You ain't knowin' how I feel. The deal is I'm dying. Qui ose défier T-Weed, why? Et why? We represent double S till we die. Overdose de style, as-tu fait une overdose de weed pop là? Ça les terrorise que je puisse freeze les palmarès comme Julio's Anglesias. C'est l'as de trèfle qui pique les palmarès, mais yo, vous auriez pu prendre un autre moyen de mettre les freins à mon destin. Pourquoi me faire passer pour un sale crétin? Vous auriez pu me tirer, bouillaka! Puis en finir avec ça, mais seulement voilà, vous l'avez pas fait, bande de bolettes. Les Babylones, c'est des jolettes. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Appelez les l'adresse inconnue, la passe-passe du les menaces. Tôt ou tard, ça va vous venir d'en face, petite garce. Biatch! Bolette. You ain't knowin' how I feel. The deal is I'm dying. One, no, you know the deal. You ain't knowin' how I feel. The deal is I'm dying. One, no, you know the deal. You ain't knowin' how I feel. The deal is I'm dying. One, no, you know the deal. Depuis 83, parmi mes amis, mes ennemis, pour être un grimaud, don't care. Quelqu'un qui s'en fout, qui dit ce qu'il y a à dire, que tu m'aimes ou pas, t'as rien à dire. Mais aujourd'hui, je suis sensible au fait que je suis devenu une cible. J'ai parlé de la police, leur fils dans mon premier album. Aujourd'hui, leur réplique, c'est ma réputation au grand public avec l'aide d'une en mettant des accusations et la sur la liste. Les BHB, la police, Malcolm X, Martin Luther King, The Black Panthers, me Mike Tyson et Tupac en prison. Puis là, ils veulent qu'ici, Herman au pied grison. Doc Babylon pour la vie, avec raison, l'ami. Yeah, yeah, yeah, c'est Casey, tell me how you feel, yeah. You ain't knowin' how I